Nombre chapitre 29. Et le premier jour du septième mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, ce vous sera le jour de jubilation. Et vous offrirez en holocauste de bonne odeur à l'Éternel, un veau pris du troupeau, un bélier, et cet agneau d'un an, sans tare. Et leur gâteau sera de fine farine, pétri à l'huile, de 3/10 pour le veau, de 2/10 pour le bélier, et d'un 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Et un jeune bouc en offrande pour le péché, afin de faire propitiation pour vous. Outre l'holocauste du commencement du mois, et son gâteau, et l'holocauste continuel et son gâteau, et leurs aspersions, selon leur ordonnance, en bonne odeur de sacrifice fait par feu à l'Éternel. Et au 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes, vous ne ferez aucune œuvre. Et vous offrirez en holocauste de bonne odeur à l'Éternel, un veau pris du troupeau, un bélier, et cet agneau d'un an, qui seront sans tare. Et leur gâteau sera de fine farine, pétri à l'huile, de 3/10 pour le veau, et de 2/10 pour le bélier, et d'un 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Un jeune bouc aussi en offrande pour le péché, outre l'offrande pour le péché, laquelle on fait le jour des propitiations, et l'holocauste continuel et son gâteau, avec leurs aspersions. Et au 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous célébrerez à l'Éternel, la fête solennelle pendant 7 jours. Et vous offrirez en holocauste, qui sera un sacrifice fait par feu en bonne odeur à l'Éternel, 13 veaux pris du troupeau, 2 béliers, et 14 agneaux d'un an, qui seront sans tare. Et leur gâteau sera de fine farine, pétri à l'huile, de 3/10 pour chacun des 13 veaux, de 2/10 pour chacun des 2 béliers, et d'un 1/10 pour chacun des 14 agneaux. Et un jeune bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et son aspersion. Et au second jour, vous offrirez 12 veaux pris du troupeau, 2 béliers, et 14 agneaux d'un an, sans tare. Avec les gâteaux et les aspersions pour les veaux, pour les béliers et pour les agneaux, selon leur nombre, et comme il les faut faire. Et un jeune bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel et son gâteau, avec leurs aspersions. Et au 3e jour, vous offrirez 11 veaux, 2 béliers, et 14 agneaux d'un an, sans tare. Et les gâteaux et les aspersions pour les veaux, pour les béliers et pour les agneaux, seront selon leur nombre, et comme il les faut faire. Et un bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et son aspersion. Et au 4e jour, vous offrirez 10 veaux, 2 béliers, et 14 agneaux d'un an, sans tare. Les gâteaux et les aspersions pour les veaux, pour les béliers et pour les agneaux, seront selon leur nombre, et comme il les faut faire. Et un jeune bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et son aspersion. Et au 5e jour, vous offrirez 9 veaux, 2 béliers, et 14 agneaux d'un an, sans tare. Et les gâteaux et les aspersions pour les veaux, pour les béliers et pour les agneaux, seront selon leur nombre, et comme il les faut faire. Et un bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et son aspersion. Et au 6e jour, vous offrirez 8 veaux, 2 béliers, et 14 agneaux d'un an, sans tare. Et les gâteaux et les aspersions pour les veaux, pour les béliers et pour les agneaux, seront selon leur nombre, et comme il les faut faire. Et un bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et son aspersion. Et au 7e jour, vous offrirez 7 veaux, 2 béliers, et 14 agneaux d'un an, sans tare. Et les gâteaux et les aspersions pour les veaux, pour les béliers et pour les agneaux, seront selon leur nombre, et comme il les faut faire. Et un bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et son aspersion. Et au 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez en holocauste, qui sera un sacrifice fait par feu en bonne odeur à l'Éternel, un veau, un bélier, et cet agneau d'un an, sans tare. Les gâteaux et les aspersions pour le veau, pour le bélier et pour les agneaux, seront selon leur nombre, et comme il les faut faire. Et un bouc en offrande pour le péché, outre l'holocauste continuel, son gâteau et son aspersion. Vous offrirez ces choses à l'Éternel, dans vos fêtes solennelles, outre vos vœux et vos offrandes volontaires, selon vos holocaustes, vos gâteaux, vos aspersions, et vos sacrifices de prospérité.